Steph is back, now you know that Steph is back. Thank you.

Grab a beer. Vachement bien Doliprane, merci, merci. C'était vachement cool, c'était vachement bien. C'était... Thank you.